vois derrière cette glace un teint. Sous mon visage, je vois le tien. Mais dans tes yeux, y a plus les miens. Et sur mes lèvres, un bout de rien. Je te vois me sourire en négatif. Je me sens mourir dans l'objectif. Et sur l'écran qui est soudain vide, c'est le mot fin qui tourne à vide. À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? Plus je réfléchis et moins t'es là. Plus je te supplie, plus ce miroir me donne vraiment plus rien à voir. Et moi perplexe, glacé, je reste. À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense? À quoi tu penses?